Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à tous. Tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Krolanta. Aujourd'hui avec moi, Lucas et Louis. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Ça va très bien. Il fait froid. Il fait pas trop froid. Il fait pas la même température qu'au Fidji, ça c'est sûr. Laisse tomber. C'est plutôt l'année dernière quand ils se faisaient emmener leurs affaires dans l'eau, quoi. Aujourd'hui, au programme de l'émission... Bah moi, je peux aller me faire foutre. Bah, non, ouais, c'est vas-y. Faire foutre. Oh. Non, bah d'accord, tant pis. Bah, d'accord, j'y vais. Comment va ton bras? Écoute, ça va, on enlève les broches dans 2 semaines. Je suis ravi. Magnifique. Au moins, t'as pas sujet à... T'as pas été face au médecin de Koh-Lanta. Non, tout va bien. Mais de toute façon, il est pas là. Il est pas en Irlande, c'est ça que je veux dire. Non, non, il est oui, plus c'est là. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Il est plus là. Loin de nous de faire des blagues sur le décès des gens. Ça serait c'est pas le genre de la maison, hein. Pas du tout. Au programme de l'émission aujourd'hui, des rancœurs. Des rancœurs, des épreuves en équipe, étonnamment, de l'île perdue, du mensonge, du voyage, de la stratégie. Tout pour faire un bon épisode de Koh-Lanta, n'est-ce pas? Et du poulet frit, même. C'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Ça m'a donné faim, d'ailleurs. Oh, putain, quelle horreur, ouais. Allez, c'est parti. Alors, ce 10e épisode, au Fidji, il s'ouvre sur la fin du conseil précédent, où Sébastien vient de se faire éliminer. On voit tous les candidats autour d'un feu. Et là, commence à avoir un petit peu n'importe quoi. Magali, on sent qu'elle est un peu satisfaite de son coup, d'avoir réussi à éliminer Sébastien. est-ce que Louis, tu veux nous parler de ce petit moment de tendresse entre les candidats? Moi, je m'en souviens pas bien, mais si je me souviens bien, les rouges, les blancs rouges, quoi, les vieux disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y est, on vote plus au mérite !» Alors que ça veut dire on élimine plus celui qu'on aime le moins dans les jaunes. Et du coup, Magali dit « Écoute, ça va bien, le but, c'est pas d'éliminer les plus forts, c'est d'éliminer ceux qui font partie de l'alliance contre nous, c'est-à-dire les ex-rouges. Et on arrivera peut-être un jour à avoir une vraie tribu blanche où on s'élimine en fonction du mérite, quoi. » Ouais, ce à quoi les rouges lui répondent, bah oui, mais toi t'as bien voté pour un rouge, tu vois, en gros, en disant, oui, vous voulez éliminer tous les jaunes, et eux, ils disent, bah oui, mais toi t'as bien éliminé un rouge. Elle lui dit, exactement, écoute, moi je veux être maître de mon destin. Et on voit qu'il y a des gens qui comprennent plus ou moins, genre Romain, il est en mode, ouais, c'est pas ma manière de voir les choses, mais je comprends. Et il y en a d'autres qui disent rien, et on verra plus tard qu'il y en a qui, comprennent rien du tout parce qu'ils sont vraiment trop cons, mais. Mais voilà. J'ai une question tout de suite, est-ce que le poids physique, la masse, correspond au kilo de conneries? Non. Ah, on y non, répondra peut-être plus tard. Il y a quand même pas mal de contre-exemples. Oui, c'est vrai. Off. Genre Dylan, quand même. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais peut-être que c'est oui, uniquement dans cette saison. Oui, mais tu vois, Yves, ça marche. Yves, c'est vrai. Mais André, Yves, il avait un peu de génie, quand même. Dans sa connerie, il était... Ça dépend ce qu'on appelle la connerie, quoi. Parce que... Enfin, tu vois, Maxime, il est quand même complètement fou. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il est con, mais il est... Ouais, enfin, non, il commence à attaquer l'os avec le petit économe avec lequel il s'écorche depuis depuis 3 semaines, quoi. Bah, déjà, il pleure tous les 5 minutes, quand même. un vrai héros de tragédie, quoi. C'est le mec qui s'arrête bien, voilà. C'est-à-dire... Quand il n'y a plus personne qui le tabasse, il prend une brique, il se tape un peu, puis il revient en pleurant en disant « Ah, vous voyez, j'ai mal ah !» Un genre de tueur à gages, je déteste ce métier, mais en même temps, j'ai pas le choix, je suis le meilleur à ça, tu vois, je suis le meilleur à trahir les gens. Bon, allez, j'arrête. Au fait... On a Sandrine qui va lui reprocher un peu quand même ses propos à Magali. Ouais, plus tard sur la plage, on voit qu'elle est en mode... Enfin, je sais plus, il y a une discussion Sandrine-Mélanie, je crois. Et en gros, ils sont en mode, ouais, Magali, quand même, elle fait chier elle a dit les choses franchement, et ça leur a pas plu, parce que, bah, visiblement, vaut mieux ne rien dire et se laisser éliminer sans rien dire, quoi. Bah ouais, et puis, elles sont bien contentes d'être à l'intérieur d'un système qui permet de pas avoir non plus trop à se fouler sur les épreuves. Je veux dire, Sandrine, à chaque fois, c'est une catastrophe. Oui, clairement. Elle se met à pleurer en disant, c'est de ma faute, je suis la plus nulle, mais elle est quand même bien contente qu'on élimine des jaunes au lieu qu'on élimine elle. Donc, oui, c'est un peu scandaleux. Hein. Et il y a aussi Magali qui déballe un peu que c'est André qui a donné le, les, c'est plus les tard, indices. Ça, non? C'est plus tard ou c'est ouais, c'est beaucoup plus tard. Et c'est Mélanie, pas Magali. Attention. Ah, ok. Mais oui, oui, oh là oui, là, mais on confond tout le temps entre les deux. Ça ouais. commence à casser les couilles. Entre May et Mel et Magali et Mélanie, oh, commence à... Fou. Marguerite, ça, tout se ressemble. Ouais, bon, elle, Maxime. Elle est un peu flippée, donc ça va. André, tu me douales. Je veux dire, il y a un moment, ça s'arrête. Denis Brogniart. Bon, et du coup, on enchaîne sur une épreuve de confort, globalement. Hein, ouais. Parce qu'on reste un peu là-dessus, sur ces aigreurs. Aigreurs. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est un peu les aigreurs peut-être. D'estomac que je suis en train d'avoir à cause du verre de vodka que je viens de m'enfiler. Les aigreurs mais d'estomac. On part sur une épreuve de confort qui est en équipe. Étrangement, Denis dit, cette épreuve et ce confort, d'ailleurs, seront en équipe. Et donc là, tirage au sort pour déterminer les capitaines d'équipe. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort? Du fait de tirer au sort le capitaine d'équipe. Est-ce que c'est pas un peu trop random? Bon, ça me dérange pas. Enfin, la manière dont les choses ont été faites ont fait que finalement, il n'y avait pas vraiment de perdant, ni de gagnant, tu vois. Le capitaine, il choisissait les autres, mais bon, c'était pas très grave. Après, voilà, il y avait un côté... Franchement, genre, je me dis, imagine, parce que donc, ouais, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ils devaient faire deux équipes de quatre, sauf qu'ils étaient neuf. Ouais. Donc, le dernier pas choisi, ben, en fait, il devait se casser. Ouais, ouais. Et là, je me dis, imagine, genre, t'as un mec, toute sa vie, il n'a jamais été choisi en sport, et là, bah, on lui refait ça, tu vois. Ah, bah, c'est clairement ça. Oh, putain, j'en suis enfin sorti, après 10 ans. Imagine, Tuc Dual aurait été à cet endroit-là. Laisse tomber, oh, laisse tomber, là, il serait mis des bras tendus, comme ça, voilà, oh, putain. Donc, on se retrouve avec Romain et Mélanie. Qui tirent donc la boule blanche, chacun ouais. une boule blanche, donc ils deviennent capitaines d'équipe et ils doivent former leur équipe. Bon, on va passer rapidement sur la constitution des équipes, ouais. mais en gros, on a d'un côté Romain, Fabien, André, Magali, et de l'autre Mélanie, Maxime, Sandrine, Marguerite, donc une principalement homme, une principalement femme, et vous l'aurez compris, c'est Tiffany qui n'a pas été choisie et qui doit immédiatement quitter l'épreuve. Mais c'est pas fini pour elle, on y reviendra après. Ouais. Alors, l'épreuve, quelle est-elle? C'est grosso modo une épreuve de puzzle. Est-ce que quelqu'un saurait expliquer clairement cette histoire de relais de puzzle? Moi, pas moi que parce que j'étais aux toilettes. Bon, bah, moi, je peux alors. En gros, donc, ils ont un puzzle. T'as une grille, c'est comme un memory, tu vois. De trois cases en ligne, enfin dans trois cases en verticale et quatre cases en horizontale. Oula. En fait, t'as des symboles, tu vois. Donc t'as en tout 12 symboles qui sont placés voilà dans un quadrillage quoi. Et en gros, tu dois l'idée c'est de dire chaque il y a trois phases, je crois. Et en fait, en gros, donc le premier candidat, il regarde ce schéma, il traverse une épreuve et il doit refaire ce schéma plus loin. Et ensuite, c'est un genre de relais, en fait. Donc, tu vois, c'est comme un téléphone arabe, mais avec un puzzle à refaire. Ok. Et donc, ce qui est cool, c'est que les deux équipes vont aborder des stratégies différentes. Donc, l'équipe de Romain, Fabien, André, Magali, ils se disent que bon... En gros, voilà, quand t'arrives au bout, Denis te dit c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Eux, ils se disent, il y a aucun moyen qu'on se souvienne des 12 symboles, parce que les 12 symboles sont différents, tu vois. Mm. Donc, ils se disent, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ligne par ligne, donc 4 par 4, tu vois. Alors que dans l'équipe d'en face... Donc Mélanie, Maxime, Sandrine, Marguerite. Marguerite, elle commence et en gros, ils se disent bon, nous, on va retenir les 12 symboles. Quoi. Ça a duré, je sais pas si tu veux continuer, Franck, par rapport à comment ça s'est passé. Très mal. Moi, j'ai trouvé ça assez relou. On ouais, comprenait ouais. rien. En fait, ce qui était chiant, c'est qu'en fait, on s'en foutait de voir chaque étape. En fait, il y a eu. En fait, le problème de ce jeu, c'est que c'est cool. Tu vois des mecs. Enfin, parce que les épreuves entre les deux, c'était genre ouais, je regarde le puzzle, je marche sur une poutre et je refais le puzzle. Toi. Donc en fait, ça c'est pas très intéressant. Donc le seul moment où c'était intéressant, c'était à la fin de la ligne quand Denis dit oui ou non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe qui a dit on fait tout d'un coup, eux, ça a pris beaucoup de temps. Et en gros, l'équipe qui a dit on fait ligne par ligne, eux, ils l'ont fait trois fois en fait. La première fois, ils arrivent, ils ont qu'une seule ligne. Et on dit bon bah Denis il dit non c'est pas bon. Là, ce qui est con, c'est qu'en fait la prod nous a montré oui la première ligne est bonne, tu vois. Donc en fait il y avait pas vraiment de suspense sérieux. En fait. Bah oui. Mais alors surtout incroyable bon gars, incrustation, enfin genre détourage en live, enfin tu vois détourage de la vidéo et ils font que chaque tuile elle devient verte et alors que la caméra elle bouge, tu vois. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Vous êtes les pros de d'After Effects, mais j'y connais c'est rien. C'est du tracking 3D ça. Tracking ouais. 3D voilà. Et j'étais en mode oh, gros skill là Damien. Ben non mais. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas obligés de le faire, tu vois, ils auraient juste pu dire ouais voilà c'est bon quoi. Et Damien, qui a d'ailleurs n'a pas été, n'y est pas allé chichement sur les bruits durant tout l'épisode. Là, c'était complètement abusé. Il y a eu des délires, mais je me souviens plus. Il y a des moments, il y a des bruits qui n'avaient rien à voir. Vraiment des trucs. Et il y a vraiment, il y avait des enchaînements. Il y a eu un moment où il y a eu des enchaînements fabuleux de bruit. Hein, de bruitage. On a vu Fabien. Il y a eu un bruit de poule ou un truc comme ça, un truc trop bizarre. Bah, j'espère que c'est pas ça parce que sinon c'est horrible. Mais non, mais il y a eu un truc comme ça vraiment où ils ont dit tiens, on va ponctuer ça avec un bruit un peu rigolo qui sort de nulle part. Hein, un drag and drop de la banque de son par erreur. Tu vois. Horrible. Dans 20 ans, il y aura des bruits de paix, des bruits de vomi dans Koh-Lanta. Ça sera, ça sera comment ça s'appelait le dessin animé de Gogol là, j'ai oublié le nom. Ouais, il y avait ça, mais c'était un autre truc. Non, c'était un autre truc. C'était bon, peu importe. Et mettez-le dans les commentaires. Ouais, je me souviens juste qu'à un moment, il faisait dans le générique, tu vois. Je me souviens juste de ça. C'est truc. T'as comment ça s'appelle? Ouais, je sais plus. Un cartoon de Mongol, quoi. Bon, en tout cas, on se souvient que. Ah oui, c'était Tex Avery. Oui, voilà. Genre, voit le cobol qui fait. Oh putain, je crois que je me souviens un peu de la musique. Ah, si, c'est le French Cancan, la musique. Voilà. Ouais. Ça passait sur M6. C'est Bienvenue dans ce monde fou, celui de Tex Avery. Exactement. Bon, dans tous les cas, on retiendra que on retiendra pas cette épreuve d'ailleurs, parce que bon, c'était assez compliqué à suivre. Il y a eu un genre de petit suspense à la fin quand enfin l'équipe qui a choisi de faire tout d'un coup, elle arrive. Et Maxime est là, il fait « C'est bon, Denis !» Et il retourne le truc, et il n'y a rien qui est bon, quoi. Il y a genre trois trucs faux par ligne. Et les autres, ils arrivent, ils font « Bon, voilà, on a fait ligne par ligne. » Et puis, ils ont eu tout bon, tu vois. Et voilà, ils ont gagné, quoi. Donc, C'est pas l'équipe de Romain qui a gagné ? C'est l'équipe de Romain. Donc, Romain, Fabien, André, Magali, celle qui a fait ligne par ligne. Et donc, la récompense, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, c'était un petit voyage dans une famille locale avec une mama. Et c'est 11 ou 17 moi, Denis, enfants et petits-enfants. J'aime toutes les grands-mères. J'aime toutes les grands-mères, Denis. Ça me fait pleurer. Là, t'imagines, genre, c'est quand même terrible. C'est genre, bon, c'était Maxime, ça. Mes enfants me manquent, mais du coup, je vais voir d'autres enfants. T'imagines, genre, t'es gosse, tu regardes la télé, ton père, il s'est barré 40 jours, et là, tu dis, ouais, bon, j'ai trouvé des enfants de substitution, donc c'est pas très grave si je te vois pas, mec. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ces parents? Oh, faut le comprendre. Tu verras quand on aura. Toi, ils jamais je m'en vais à Koh-Lanta. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est mort. Non mais ouais, on va pas reparler de cette histoire de femme enceinte, mais enfin, c'est il est quand même complètement fou de toute façon. Il a un problème. Bah, et c'était le rêve de sa vie en même temps. Bon, bref, c'est pas grave. On va pas refaire sa vie. Non. Ce qui est important de retenir, c'est que pendant ce temps-là, et personne ne le sait, c'est que Tiffany, qui n'a pas été choisie et qui a dû quitter l'épreuve, a eu le droit d'être envoyé sur le paradis perdu pour, on l'espère, trouver un collier puisqu'on on la sait en danger. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de ce petit twist de l'envoyer là-bas? Parce qu'ils auraient très bien pu ne pas le faire. Bon, écoute, c'est bien, tant mieux, moi je suis content. Hein. Et on s'attendait, on en avait parlé à l'épisode précédent, Lucas, tu t'en souviens, on s'était demandé s'ils allaient envoyer une seule personne ou toujours des duos. Des groupes, ouais. Ce qui est malin là, c'est que les autres le sachent pas. Oui. Bah c'est ça. Bah oui. Parce que du coup, ouais. Alors, avant de raconter le truc, ouais. Du coup, sinon, en fait, moi, je m'étais dit, bah, elle va chercher sur le camp des colliers d'immunité pendant une après-midi, en fait. Et ça aurait été vraiment chiant à regarder, quoi. Bah, est-ce que c'était vraiment intéressant à regarder? Non, mais bon, ils ont fait en sorte que ça aille vite. Au moins, en termes de jeu, c'est plus intéressant. En termes de jeu, c'est carrément intéressant. Ouais, non, je suis d'accord, ouais. Et même en termes de mensonges, après, puisque c'est ça qui a été rigolo aussi. Le poteau rose. Évidemment, Mélanie, Maxime, Sandrine, Marguerite reviennent sur la plage puisqu'ils ont perdu l'épreuve et hurlent à la mort « Tiffany ! Tiffany !» Moi, ce que j'ai adoré, c'est que sur le teaser de l'épisode précédent, ils nous ont fait croire que Tiffany, elle s'était perdue, tu vois. Genre, les mecs qui font les teasers des épisodes de TF1, tu leur filmes ton film de mariage, ils te font croire qu'il y a eu trois meurtres à ton mariage, tu vois. Ils te trouvent les trois moments vraiment craignos, et tu me dis, il y a eu cinq morts. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Au moins, t'as envie de regarder la suite. Ouais, c'est un peu, oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est toujours un peu le pétard mouillé, quoi. T'es là, à chaque fois, je m'attends à un truc de ouf. Pareil, là, on avait l'impression que la Golgoth, elle s'était éclatée sur une épreuve, et au final, même pas, j'étais, j'étais oui, pas déçu, clair, mais. C'est l'image qu'on a revue souvent. Voilà, tu vois, je me suis dit, j'espère que ça va être rigolo, quoi. C'était même pas rigolo. Bon, là, le truc rigolo, c'est qu'elle trouve un collier. Oui. Sur l'île du paradis perdu. Et là, je me suis dit, et encore, j'ai encore repensé aux discussions qu'on a eues. Et là, je me dis, ils ont forcément changé le contenu des... Ça, c'est coffres. Sûr, ouais. Alors, moi, je me dis carrément, parce qu'il y a vraiment eu un côté comme les tambours. Oh, je sais pas où aller, putain, ça me fait chier. Me retourne. Oh, bah ouais, moi, je regarde la carte, ça fait, oh, d'accord, je suis là. Bon, et je vais là-bas. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui tombe d'un arbre. Et là, dit, oh, à quoi les limiter? C'est vraiment, le plan, c'est, elle marche, elle s'arrête, elle se retourne. Elle fait trois pas, il y a un collier d'immunité, oui. Vraiment, elle venait de passer devant, derrière un caillou. Enfin, ouais. Du coup, que nous, je veux savoir votre avis par rapport à ça. Parce que moi, mon avis, c'est que, qu'elle l'ait trouvé en vrai ou en faux, je m'en bats les couilles, tu vois. Ce qui compte, c'est qu'elle l'ait trouvé en faux. Moi, je trouve ça même mieux si elle l'a trouvé en faux, tu vois. Ah ouais, tu trouves ça mieux? Moi, je m'en fous, en fait. Bah, je me dis, ils sont suffisamment malins pour avoir bien fait le truc, tu vois. Bon, j'espère quand même, ils savent un peu ce qu'ils font, logiquement. Oui, oui, c'est ça. Moi, je pense que le problème, c'est pas la prod de Koh-Lanta, c'est le public français qui est en mode, ah, il faut pas que ça soit truqué. Tu sais, des Gilles Verdez en puissance, c'est ça, tu oui, vois. Oui, bien sûr. Mais surtout. J'ai mal à ma télé! Mais en plus, effectivement, du coup, moi, sur le contenu des coffres, voilà, ça commence à devenir clair qu'ils ont évidemment mis des colliers d'immunité dans tous les coffres pour foutre le bordel. Parce que leurs histoires d'épreuves de confort, patati patata, nanana, c'est pas possible que ça soit tombé aussi bien. Oui. Enfin voilà, statistiquement, il y a un moment, ça. Là, ils peuvent pas être aussi inconscients. Parce que t'imagines si elle était tombée sur la moitié d'un collier? Le sub. Je le mets en serre-tête, hop. Non, le truc pour l'épreuve de confort, elle se fait éliminer. Genre, tu n'as pas participé à celui-là, mais tu pourras participer au prochain. Et hop là, tu dégages. Non, par contre, en gros, mais on en reparlera peut-être un peu tout au long de l'épisode, mais tout l'épisode, j'ai l'impression que tout était fait pour foutre le bordel, en fait. Oui, oui, totalement. De côté, genre, ça, déjà, c'est. Tiffany, l'air de rien, elle se fait pas prendre et on n'a pas reparlé, mais elle dit c'est peut-être pas à ce moment-là. Si, en fait, Denis lui demande qu'est-ce que ça fait. Elle lui dit, bah écoute, de toute façon, on a essayé de m'éliminer hier, donc je sais très bien que c'était mort pour moi. Ouais. Et Romain, qui est celui qui l'a pas choisi, il fait ah, mais non, Tiffany, c'est pas du tout à cause de ça, hein, t'inquiète. Hein. C'est vraiment parce que je te déteste. C'est personnel, hein, c'est pas du tout, vraiment, tu prends pas la tête. Hein. Non, mais limite, en fait, enfin. C'est peut-être pas le cas, tu vois, mais en tout cas, limite, tu dis rien, tu vois, la pauvre, elle a déjà assez le seum comme ça, t'en rajoutes pas, quoi. Non, mais laisse tomber. Parce que ça l'a pas convaincu, la Tiffany. Hein. Ah bah non, elle avait bien le seum. Hein. Elle avait bien le seum, ouais. Plus, effectivement, rien que le fait de elle l'envoyer sur le paradis perdu, c'est quand même déjà, en vrai, un bon doigt d'honneur dans le dos de ceux qui font l'épreuve, tu vois, sans leur dire et tout. Enfin, c'est intéressant, en tout cas, ils mettent des moyens de créer le chaos dans le truc, quoi. Oui. Plutôt que tout le monde connaisse les règles tout le temps. Elle revient sur le camp. Après que les mecs qui ont perdu soient revenus aussi. Qui étaient très inquiets. Et ils se disent, mais Tiffany, mais où est-ce que t'étais parti? On a cru que t'étais parti sur le paradis perdu. C'est vrai, ils disent ça? Mais oui, Maxime, ils disent ça. Là-bas. Et lui, elle fait, ah non, j'étais sur une île avec un petit jus d'orange. Ah, et ça passe tout seul. Ah, ils sont plongés dedans, mec. Je comprends pas. Et d'ailleurs, je range mon short de 2 kilos dans mon sac. Non, mais c'est passé, crème. Vraiment, je pense que tout le monde l'a pris. C'est quand même le deuxième ou troisième mensonge qui passe crème aux yeux de tout le monde, quoi. Le seul moyen où ça aurait été encore plus scandaleux, c'est si elle l'avait porté autour du cou et qu'elle avait dit ah, regardez, j'ai fait un faux collier d'immunité. Et tout le gars fait ah, qu'est-ce que tu es drôle. Tiens, je vais le donner à Magali parce que c'est ma meilleure copine. Attention, Magali, parce que c'est peut-être pour toi qu'on va voter. Hein. Tu oublieras pas de le sortir. Peut-être que ce faux collier peut te protéger. Oh là là, les gogoles. Mais c'est vrai, objectivement, tu vois, il y a eu ce truc dont on a souvent parlé au début, voilà, l'opposition, voilà, les jeunes, les vieux, mais les vieux, ils prennent vraiment les jeunes pour de la merde, quoi. Vous vous éliminez, vous vous faites éliminer, vous fermez votre gueule, et puis ils les prennent pour des cons, quoi. Bah, là, en tout cas, cet épisode-là, on l'a vu clairement, quoi. Si personne l'avait compris, avant, là, c'était clair. C'est d'ailleurs assez grave. D'ailleurs, les vieux ont aussi profité de l'épreuve, l'immersion dans le village des autochtones, là, a quand même permis à Fabian et à pas mal de rouges de se montrer particulièrement détestables, en mode « Ah bah, on en profite bien, et nous on s'en fout des autres, on leur racontera rien, c'est pas grave, on prend des forces, nanana, et tout. » Oh là là, Romain qui essaye de montrer qu'il est bon coach sportif en labourant un champ comme une victime, en glissant dans la boue, là, c'était minable. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit voyage ? Bon, comme d'habitude, bah les couilles, quoi. Ils ont dit, ouais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Cassez-vous, les petits, on veut manger, nous. Allez, hop là, hop. Ouais, dégagez. C'est vraiment ça. Oh, ils sont mignons, ils ont rien, mais ils donnent tout. Allez, hop, oh, ça me fait des larmes dans les yeux. Passe-moi le poulet. Il est où le couscous? Voilà, ouais. Voilà. Tu voyais que les gamins, c'était le plus beau repas qu'ils allaient avoir de l'année, mais c'est pas grave, ils avaient quand même pas trop le droit de manger, parce que hop, dès qu'ils mettaient la main dans le plat, hop là, il y avait un autre qui arrivait qui prenait une grande poignée. Ouais, ça me met un peu mal à l'aise, moi, perso. Bizarre, ouais, ça me met vraiment, un peu mal à l'aise, ouais. En vrai, tout ça. Ouais, enfin, en fait, c'est, je me dis, peu, ouais. Si l'objectif, c'est leur filer un repas, file-leur un repas, tu vois. Genre, limite, un truc, mais en fait, faudrait jouer le jeu à fond, tu vois. Tu leur files un yacht, tu les envoies faire des trucs de luxe, les vrais trucs de Club Med, quoi. Mais là, c'est un peu bizarre. C'est entre deux, tu vois, c'est, ça fait ni l'un ni l'autre, donc c'est chiant. Surtout, ça faisait un peu bizarre, ça faisait vraiment mise en scène avec les mecs qui parlent tous anglais, déjà. Enfin, genre, mieux que... Bah, après, peut-être qu'ils parlent anglais au Fidji, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai, ça. T'assumes beaucoup de choses, là, Louis. Attention, hein. Bah non, mais je me suis dit qu'ils avaient mis des mecs qui savaient bien parler anglais pour faire les traductions. Ils font pas tous... Mais je me dis pas ça du tout, mais vous rigolez, quoi. Mais n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Une feinte. Vous n'avez absolument pas dit ça. Si, Louis, de toute façon, t'es raciste. Ah si, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Mais c'est une ancienne colonie britannique. Ah bah, de toute façon, ces connards, ils ont fait chier tout le monde, hein, donc... Leur devise, c'est le dollar du Fidji. Stylé. Bon, est-ce qu'on peut se reconcentrer, messieurs, s'il vous plaît? Ouais, excusez-moi. Parce que le dollar du Fidji, oui, c'est bien. Ils sont dans le Commonwealth, donc mille excuses, je pense qu'ils parlent anglais, ouais. Pardon. Mais Fabian, qui se vante et qui commence à énerver tout le monde pendant son voyage, ça, c'est un nouvel indice, une nouvelle opportunité de stratégie. Ah bah bien sûr, parce que ça commence à mûrir dans la tête de tout le monde quand même. Là, Fabian, il commence à saouler un peu... Notamment chez Magali, vu que c'est Magali et André qui se disent « Ah putain, il nous a bien cassé les couilles pendant notre voyage quand même, celui-là. » Ouais. À pas arrêter de se plaindre. Ce qu'on en voit, c'est qu'à un moment, ils disent « Ouais, en fait, elle dit « Ouais, bon, les autres, j'imagine qu'ils ont les boules. » Et il fait « Rien à foutre. Enfin, » il est imbrisable, oui, ça, ouais. En fait, tu vois. Oui, je sais pas ça. Ce qu'il a eu, mais je pense qu'il en avait moi, marre. Moi, je pense qu'il a envie de se la jouer aussi. Hein. Il est vraiment le mec qui s'écoute parler, il se trouve cool. Il sifflote sa propre musique du parrain quand il se trouve cool. Enfin, tu vois, c'est... Son remix. C'est pas... Ouais, son remix pour Ab, qui est la mauvaise mélodie. DJ non, mais, Fabien Roche a remix. Et le parrain. Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, genre, un mec comme ça, c'est trop chiant. Surtout, il a déjà... Enfin, je serais lui, moi, je bénirais les dieux chaque jour depuis que j'ai montré à tous les rouges que je les avais trahis et que les mecs m'en veulent même pas. Tu vois, il est toujours oui, le clairement. Pas, ah oui, non, mais ça c'est deux fois, mon gars. Vraiment, je ne comprends pas. Et le mec, après, il va dire, ouais, putain, ça m'a permis d'être pote avec Romain maintenant et tout. Mais je suis en mode, mais putain. Enfin, en essayant de l'éliminer, quoi, en fait. Ah, ok, d'accord. Mais c'est des teubés en même temps, mec. Hein. Bon, bah voilà. C'est des donc, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ouais, il y a quand même des petites rancœurs qui commencent à naître. Ouais. Jusqu'à ce que ils reviennent sur le camp. Et là, il y a une bouteille à la mer, il me semble. Ouais. Vos nanana, allez chercher des trucs là-bas, blablabla, suivez le chemin. Et là, alors les gémissements, pas possible. Explosion de bonheur de tout le monde. Ah, c'est le courrier, oui. Nanana, nanana. Ça m'a fatigué, là. Franchement, à ce moment-là, j'étais là, oh, putain. Un de l'autre qui commence à pleurer. Je vais voir une lettre de ma femme. Ah, oh, putain. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais elle est enceinte de 6 mois, en fait. Elle va bientôt accoucher, je sais pas là. Ben oui, mais... Oh. Tire-toi. On n'en peut plus, va faire ton cirque chez toi. Et donc, il y en a une qui se dit, ah oh bah, moi, il faut que j'aille chercher le courrier, moi. Je suis factrice. Je suis postière, qu'elle dit. Ah, elle dit postière, je crois qu'elle dit postière. Elle dit, je suis postière. Ah bah, écoute, postière, vas-y. Et là, Tiffany, qui est toute contente... qui vient de trouver un collier, elle est en de bonne humeur, donc elle se dit « Allez, j'y vais aussi, ouais !» Et là, quand même, je me suis dit, et je veux vous poser la question, lequel de ces candidats a regardé les trois saisons précédentes? Exactement. Je me suis dit pareil, aucun. Je me suis dit, déjà, pas de radeau, bizarre. C'est-à-dire aucun. Il y en a eu dans celle d'avant-avant. Parce que celle d'avant, je pense qu'ils ont pas pu la voir, parce que je crois qu'ils étaient en tournage pendant la diffusion, en fait. En général, c'est comme ça que ça se passe. En ce moment, Denis, il est en tournage, là. Oui, et qu'est-ce que ça change? Ah oui, ils ont pas pu l'avoir, d'accord. Ah oui, d'accord, ah je oui, sais ce que tu veux dire. Ouais. Ils se font pas plateau télé avec le riz le vendredi soir. Hein. C'est vrai. Celle de l'année d'avant, c'était dedans. Enfin, non, je sais pas, tu te doutes. Mais il y avait déjà eu un radeau, non? Les deux dernières fois, c'était un radeau qu'il fallait aller les chercher. Et tout le grand truc de tu mets le coffre sur le radeau et t'es obligé de rentrer à la nage en poussant alors, le truc en essayant de flotter ton pote. Mais il y avait aussi, tu peux en prendre que 8 sur 10, tu vois. Ou tu peux en prendre que, ou tu veux, t'as le choix de prendre que de la bouffe. Ou ah des trucs, oui, tu vois. C'est vrai, genre ouais, de trucs. Donc, ça fait des années qu'il y a une douille à chaque fois. Et là, il y a personne qui se dit, il va peut-être y avoir une douille. Non, non, elles sont ravies. Elles sont voilà, bah, c'est bon, il suffit bah, de marcher. Heureuses, il suffit de marcher deux heures. Bah, voilà, c'est ça. Émotionnel. Et puis, jusqu'à ce qu'elles arrivent à l'endroit, et là, elles se disent, oh putain de merde, il y a une épreuve. C'est quoi ça? Il y a des trucs bizarres. C'est quoi ça? Pourquoi il y a 15 000 bouts de bâton, Le truc impossible en plus. Ouais, c'était vraiment un scandale. Ouais, ouais. Et en plus, c'était vraiment très très chiant à regarder. Oui. Est-ce que quelqu'un veut expliquer un petit peu le principe ou est-ce que je m'en charge? Vas-y. Eh ben, alors, vas-y, ouais. J'ai envie de savoir comment tu vas te démerder pour expliquer cette merde. Donc, pour récupérer les courriers, donc des 9 candidats restants, il suffisait, entre guillemets, que donc Tiffany et Sandrine prennent des petits morceaux, comme des petits totems en fait. On va dire que c'était des petits cylindres, pour simplifier le truc. Des petits cylindres allongés, les caler contre elles, et les tenir en équilibre, l'une contre l'autre, cylindre contre cylindre, le plus grand nombre possible, évidemment. Et un cylindre égale un courrier. Et ils avaient 3 essais possibles. Si ça tombe, c'est un essai supplémentaire. Enfin, c'est un essai qui est annulé, quoi, qui est utilisé. Et plus, au cas où ça serait pas assez bâtard comme ça, c'est le dernier résultat qui tombe, oui. Qui compte. Ah oui, c'est-à-dire que si t'as fait 5 au premier, 7 au deuxième, et que tu te dis, tiens, on va faire les 9 au suivant, et tu que fais tu fais 3, que 3, c'est 3 du coup. Voilà. Ce qui est, c'est un commit, quoi, il faut choisir. Ce qui aurait pu être intéressant si le jeu avait été facile. Il faut savoir s'arrêter. Voilà, comme au casino. Et, bon, il semblerait que c'était quand même un petit peu compliqué. Alors déjà, notamment par le fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, que Sandrine et Tiffany ne mettaient absolument pas la base au même niveau. Oui. Ce qui faisait que le truc penchait constamment. Ouais, c'était pas ce qui, du tout évidemment, horizontal. Complique complètement l'équilibre des cylindres. Donc évidemment, ça tombe 3 fois. Et la dernière fois, ça s'arrête sur 5 totems, enfin cylindres empilés. C'est-à-dire qu'il faut quand même en éliminer 4. C'est horrible. Il y a 4 personnes. Oui, c'est horrible. Vraiment, ça, franchement, c'est abominable. Il y a 4 personnes qui n'auront pas leur courrier. Donc, par défaut, Tiffany et Magali et Sandrine se disent, bon, bah, on n'a pas réussi, c'est de notre faute, donc on va pas prendre nos courriers à nous. Ce qui est déjà super dur, en vrai. Hein. Oui. Bah, honnêtement, franchement, est-ce que t'aurais pas fait? Moi, j'aurais fait la même si. Chose. J'aurais fait la même chose, mais bon, ça m'aurait déchiré le cœur. Hein. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, Sandrine, elle te flonce là. Moi, je pense que vraiment, bah, je pète un câble et je dis Nicolanta! Et je prends ma lettre, je l'ouvre. Je défonce le caméraman. Ouais, je pète la gueule du cadreur et, tu vois, enfin, c'est affreux comme truc, vraiment. Oui, c'est un c'est truc, vraiment c'est horrible, dur. Quoi, enfin. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la lettre et de partir en courant? Tu la lis en courant avec le caméraman qui essaie de te suivre. Il y a moyen de s'en sortir, hein, franchement. Tu t'en vas dans une grotte comme ça, tu restes là-bas. Tu refuses de parler à quiconque. Donc ça fait encore 2 courriers à mettre de côté. Parce qu'on est 9, moins 2, 7, moins 2, 5. On n'a le droit qu'à 5. Et là, le dur choix, alors il y a Mélanie qui dit direct, Sandrine qui dit, ah bah Mélanie, il ne peut pas lui faire ça, donc je lui prends. Alors, voilà, déjà, tous voilà. Mes copains rouges. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un peu ça, ouais. Elle, c'est ma copine, je lui prends. Et hop, Romain, bon, il y a des enfants, je lui prends. Globalement, la réflexion, ça a été, il a des enfants ou pas. Ce qui est quand même une réflexion de rouge. C'est-à-dire, c'est une réflexion de daron d'estimer que c'est le fait d'avoir des enfants qui donne une priorité au fait d'écouter les... Bah, c'est un argument qui est recevable, mais... Enfin, tu vois, il pourrait y en avoir plein d'autres, hein. Non, mais en vrai, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argument, en fait. Faut faire un choix. Enfin, tu peux pas dire, c'est comme dire, imagine, il y a 10 personnes qui sont malades et on peut en soigner que 8, tu vois, et c'est pas possible de choisir, en fait. C'est un choix arbitraire, bah, ouais, tu vois. Mais du coup, au lieu de dire que c'est un choix arbitraire, ils font croire que c'est un truc, donc c'est ça que j'ai trouvé dégueulasse. En fait, pas tellement, parce que, enfin, je trouve que Sandrine, elle a finalement dit, bon, allez, on fout de, enfin, elle dit, tu vois, elle dit, c'est de plus jeune, la plus vieille. Il y en a un qui a pas d'enfant, l'autre, elle a des enfants qui sont grands, tu vois. Au final, voilà, enfin, mec, la meuf déjà, elle a pas pris son courriel alors qu'elle a des enfants, tu vois. Donc moi, franchement, je sais pas, je peux pas lui en vouloir, tu vois. Écoute, c'est horrible comme choix. Ah bah oui, non, mais de toute façon, il fallait trouver un prétexte. Mais c'est ce que je dis, c'est juste un prétexte, quoi. Ah oui, mais en même temps, tu peux pas genre. Non, mais c'est surtout Marguerite, personne ne l'aime, quoi. Donc de toute façon, il s'en foutait. Et puis André, il est gentil, tu vois, tu es une petite flaque. Non, c'est 19 ans, tu vois. Un bon garçon. Oui, alors, mais ben, ouais, mais alors mère, ça marche. Tu vois, ouais, Maxime, ouais, tu vois, il a quel âge? Il a 29 ans, mec. Il peut, enfin non, plus de 30 du coup. Toi, il sait aussi des grands garçons, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve c'est vraiment un argument de. Et d'accord, mais tu vois, ça se trouve, il y avait un truc qui disait, bon, déjà, ça se trouve, le père d'André, il va mourir dans deux jours. J'ai fait une fausse couche, de toute façon, je suis parti bah, voilà, c'est ça. Avec un bel espagnol. Mais non, mais tu vois, ça se trouve, le père d'André, il va mourir, c'était sa dernière. Enfin, tu vois, tu fais des... Oui. On s'en fout, ça se trouve, il y a le fils de Marguerite, je sais pas quoi, il attend aussi un gosse. Enfin, tu vois, tu peux trouver des prétextes autant que tu veux. Bref, on s'en fout. Mais j'ai trouvé que du coup, ça se voyait vraiment que c'était drivé par Sandrine qui décide qui sont ses copains et qui après trouve des prétextes pour pas donner la lettre à ceux qui sont moins ses copains. Exactement. Dans tous les cas, c'était horrible. Et on se retrouve. Elle l'a filé à Magali. Moi, j'ai eu peur qu'elle la file pas à Magali. Tu vois, je me suis dit si elle fait ça, bon, déjà, elle va se faire arracher la tête. Alors, mais comme tu le dis, pour Magali, pour Mélanie, sa copine, pour Maxime, Romain et Fabien. Donc évidemment, quand elles reviennent sur le camp, bon, Sandrine fond en larmes, oh, la immédiatement. Elle a pleuré tout le trajet du retour en plus. Oui, oui. Quelle horreur. Donc elle annonce ça tout de suite. Quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au moins, elle tourne pas autour du pot. Quoi. Elle dit, il y a une épreuve, on a merdé, on a pu en prendre que 5, on a pris toi, on t'a pas pris. Quoi. Il y a un truc drôle quand même, c'est Marguerite qui fait « Ils arrivent !» Ah oui, c'était vraiment à vous. Il y a quand même un truc bizarre là, non? Facile, les voyez qui marchait, c'était trop drôle. Et Romain qui était là, oh non, c'est pas vrai, oh non, oh non. Il m'a saoulé, lui. Oh, je l'aime pas. Je l'aime pas, moi. Ouais, pareil. Donc, une chose à retenir quand même là-dessus, c'est le seum d'André. Parce que André, il a bien le seum. Parce que lui, il s'est bien fait niquer au confort précédent avec, c'était avec quoi déjà? Moi, je m'en souviens plus. Moi il avait un autre confort. Non, il a pas eu l'appel. Il a pas eu l'appel, André. Ah, il a pas eu l'appel. Ah, c'est ça. Il avait pas eu l'appel. Il avait pas eu l'appel. Donc là, il avait un peu le seum. Parce que lui, du coup, là, vraiment, il a rien eu depuis le début, quoi. Niveau confort, c'est pas la joie chez André. Bah, c'est ça. Bah, il a eu le droit de manger et du poulet, mais il y avait l'autre qui était là en mode, oh, vous me cassez les couilles, fermez vos gueules. Ouais, moi, je suis le meilleur. Mais bon, c'est dans cette mi-bonne humeur. Bon, on parle quand même des lettres qui ont été ouvertes ou pas? Ouais, ça. Marguerite le prend bien au passage. Elle est genre très. Elle se dit, bah, c'est vrai, je comprends votre choix. Bon, de toute façon, si elle se mettait à gueuler, elle se faisait dégager. Donc, Bah, c'est ça. Mais bon, il y a le classique Maxime qui fond en larmes. Oh non, bah ouais, limite il se tape la tête contre le sol, il se met des coups. J'aimerais bien. On aurait dû regarder et compter combien de minutes dans l'épisode Maxime pleure. Je pense que c'est par rapport au nombre de fois où on voit Maxime, je pense que c'est horrible. Je pense qu'il y en a pour au moins 8 minutes. Ah, c'est possible, il fait que pleurer. Là. Je pense qu'il y a au moins 8 minutes de pleurs de Maxime. Franchement, si on voit Maxime 10 minutes, il pleure 8 minutes. C'est sûr. C'est un bon ratio, ouais. Parce que même au conseil, après, tu sens qu'il est sur le point d'exploser. Quoi. Ouais, ou alors il est limite, tu vois. Sinon, il est limite ouais, en mode ouais, de ouais, je n'aime pas cette situation. Qui est chouineuse. Après, bon, Fabien, pareil. Non, Fabien, il l'a montré aux autres. Oui, c'est vrai. Il a dit, tiens, ça c'est ma femme. Il a dit, bon, voilà, ça c'est ma femme. Ça c'est Elvis. Ça c'est André, je sais pas comment il s'appelle. Ça c'est Johnny. J'ai pas vu si lui, comment ses enfants le dessinaient en fait. Et c'était ça qui m'intriguait le plus. Et j'ai pas réussi à le voir. Ah oui, Romain qui a eu des dessins de ses gosses aussi, c'est ça hein. Non, je parlais de Fabien. Parce que je me disais, Fabien, est-ce qu'ils lui font la moitié de la tête rose et l'autre moitié bleue, tu vois. Comment ses enfants le dessinent. Parce que ça doit être incroyable de devoir dessiner un daron comme ça quand t'es môme, tu vois. Celle qui m'a fait rigoler, c'est. Mélanie. Ah, c'était chouette, ouais. Bah oui, c'est toujours chouette avec Mélanie. Mélanie, c'était mignon avec ses petits gosses. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est parce que moi j'ai qui dit aime pas Mélanie. Ouais, c'est ça. Ah. Non, c'était Mélanie ou Magali? Non, j'aime pas Mélanie. Parce qu'elle a backstab André. Mais parce que c'est une sale pouca. Attends, j'aime pas les Suisses. Ah, t'aimes pas Fabien non plus? Bah non. Ils vont bien ensemble. La Mélanie, c'était quand même mignon avec son gosse c'était qui disait qui disait des trucs rigolos. Ouais, elle disait, attends, c'est quoi? C'était je me débrouille pas trop mal à l'école, et après elle a regardé la caméra, elle fait, elle a un peu des difficultés. Ça, c'était mignon, vraiment une phrase de maman, quoi, quand même. Ouais, tu vois grave. Ouais, parce que 2,5 en français, quand même, alors qu'elle avait pas l'air bien grande en plus. Bon, et tout ça nous mène quand même à l'épreuve d'immunité. Allez, on avance dans cet épisode. Ouais, c'est long, hein. C'est vrai que ça met un peu de temps. Bah, on peut peut-être revenir sur la raison pour laquelle pourquoi Louis déteste Mélanie. Je crois que c'est à ce moment-là. Ah, bah en fait, oui, hein. C'est à ce moment-là que ça arrive. Ouais. Moi, je l'aimais déjà pas beaucoup avant. Bah, vas-y, balance ton porc. Eh bah, voilà, je balance mon porc. Hashtag balance ta truie. André, qui est quand même toujours un petit peu. C'est un peu l'inverse de Maxime, mais dans la même position, c'est-à-dire qu'il est un peu au milieu des jaunes et des rouges, parce que comme il est gentil, les rouges ils sont en mode ouais c'est un bon, il suffit qu'on le mette dans notre poche, nanana. Et puis les jaunes, bah ils savent que lui c'est un vrai jaune au fond de son cœur, quoi. Et donc sur un côté, ton bateau il coule. Voilà, c'est ça. Donc il faut qu'il soit bien au milieu. C'est l'équilibre du camp, quoi. D'ailleurs, on l'a vu sur l'épreuve des canaux. Ouais. Donc il se confie un petit peu à Magali, qui est peut-être un peu sa maman de substitution, en lui disant, tu sais, nous, bon, voilà, je sais pas, peut-être que on pourrait peut-être. Mais il fait toujours le con, lui, hein. Il fait chier. Voilà. Aussi, hein. Tu vois, c'est pas que de la faute à Mélanie. Non. Mélanie, elle joue le jeu. Mais en même temps, à ce moment-là, il a quand même été très très con d'aller lui en parler. Oui. Bon, en gros, il a dit, on pense un peu à éliminer Fabien. C'est ça. Hein. Je crois qu'il lui dit texto ça. Et là, elle se. Non, il lui dit pas. Il lui dit, non, il lui donne pas de nom, justement. Ah ouais, il lui dit un rouge. Et là, après, elle va voir Maxime, elle me dit, elle lui Maxime, dit, tiens, il m'a dit un truc, mais on sait pas trop ce qu'il va faire. On sait pas trop ce qu'ils vont évidemment, faire. Ça se répand comme une traînée de poudre. Ça arrive aux oreilles de Fabien, qui dit, oh putain, il me parle plus trop, ça commence à puer. Il faut qu'on s'allie tous. Fini les stratégies à la Fabien de, on vire des Romains, des nanana. Là, il faut striker un jaune, parce que sinon, je suis dans la merde. C'est ça. Voilà, du coup, j'ai une petite rancœur contre Mélanie. C'est quand même pas beaucoup la faute de Mélanie, en fait. Hein. Non, mais c'est bon, c'est une sale Suisse, ça va non, bien. Mais Louis, on est d'accord. Enfin, non, mais quand même, en termes de jeu, elle a bien en fait, joué le jeu. Elle a bien joué le truc. Jeu. Enfin, c'est André qui a été con sur ce coup-là, en fait. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est pas parce qu'elle a bien joué que c'est pas mon ennemi, tu vois. Ouais. Je suis team jaune. Ouais. Il y a un truc qui se profile, c'est le fait que justement, ils sont en train de changer de target, d'ailleurs, chez les jaunes. Chez les jeunes. Ils sont en mode, oui, bon, avant, on voulait éliminer Tiffany, mais en fait, on a parlé avec elle et elle est sympa, donc, qui est-ce qu'on va virer? Ouais, voilà. Chez les rouges. Ils sont en mode, qui est-ce qu'on va virer? Enfin, oui, je vois ce que tu veux. Et alors, ils sont en mode, nous, on aime bien André. En même temps, Maxime, il dit, moi, j'ai fait un pacte avec Magali pour lui dire que je la virerai pas, donc, et c'est un bordel pas possible. ça pourrait être un running gag. À chaque émission, ah, mais merde, ah, putain, j'ai un pacte avec elle. C'est les clauses en bas du contrat, tu sais. Oh, je vais aller pleurer sur la plage! Et du coup, en gros, ce qui se dessine, c'est qu'ils vont peut-être plutôt essayer de virer Magali plutôt que Tiffany maintenant. Parce que, là, en plus, la Golgot, elle est en mode, ouais, elle veut pas se laisser éliminer, donc, tiens, tu vas voir, si tu veux pas te laisser éliminer, on va quand même t'éliminer. Et en gros, c'est Maxime, non. Si, c'est Maxime, Mélanie, Marguerite et Sandrine qui se sont rapprochés de Tiffany lorsqu'ils étaient tous les cinq sur le camp pendant que les autres étaient en train de bouffer du poulet de l'autre côté. Voilà. À ce moment-là, Marguerite a dit, oui, elle n'était pas avec Magali, du coup, elle s'est un peu ouverte à nous, elle est vachement sympa, on l'aime bien, voilà. Ce qui fait que elle est un peu moins en dans le collimateur. Est-ce qu'on peut passer à l'épreuve d'immunité, messieurs? Oui. Allez. Allons-y. Alors, épreuve d'immunité, j'allais dire un classique de Koh-Lanta, mais bon, c'est juste un parcours on dit du ça combattant, à chaque épisode. Quoi. Ouais, ça. Il a dit une expression, il faudrait que je retourne dans l'émission pour la retrouver, mais il a dit un nouveau truc avant de dire un classique, mais c'était, je sais plus. Un juge de paix, je crois. Un juge de paix, ah ça ouais, dit sérieux? Ça? Ouais, il a dit ça, je crois. Ah bon? Ça veut dire c'est quoi? C'est des mecs qui ont un odorat très développé et qui. Ah, comment t'as pu faire ça? Bœuf bourguignon. Les loups la cuisse. 9 sur 10. J'achète. Les loups la cuisse version pétomane. Donc on se retrouve avec un parcours du combattant où d'abord les hommes s'affrontent, puis les femmes, puis les finalistes vont s'affronter sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Non, c'est ça, ouais. Donc c'est, bon, pour faire court, parce que bon, le parcours du combattant, on va pas le décrire, c'est un parcours du combattant, voilà, ils sautent dans l'eau, ils rampent sous des trucs et ils escaladent des cordes. Avec plein de coupures, tu sais pas pourquoi, des fois ils partent dans la forêt, et 10 secondes plus tard, tu les revois qu'ils sortent de la forêt à un autre endroit à chaque fois, là. Donc c'est Romain qui gagne chez les hommes, c'est les hommes. C'est Mélanie qui gagne chez les femmes. Voilà. Et ils doivent se retrouver en finale sur un truc qui n'a absolument rien à voir, comme je viens de le dire, puisque on doit empiler. Alors, on l'avait déjà vu cette épreuve avant. Décoctier. On appelle avec ça comme ça. Avec des œufs dedans. Je sais pas, on dirait trop décocté avec des œufs. Disons ça. Alors. Que c'est concours sauf de que c'est pas des œufs, c'est vraiment des sphères, quoi. Ouais. Ils doivent en empiler combien? 5? 4. C'est 5 boules, 4 boules et 5 coquetiers. Je sais plus. C'est un truc du genre. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on avait déjà vu. Avec des grands bâtons. Voilà, donc ils ont moi, chacun de grands bâtons vraiment accrochés. Pas intéressante. C'est chiant, c'est des espèces de trucs pour dire regardez, c'est de la dextérité, donc il faut être calme, voilà, un vrai survivant. Ouais, c'est vraiment le moment où je faisais un truc, je ne sais plus quoi. Tu reviens, t'as l'impression que ça fait 15 minutes et tu dis putain, mais ils sont encore sur cette épreuve. Voilà. T'as exactement le même plan avec exactement le même truc. Oui, c'est ça. Surtout à chaque fois ça retombe. Tu sais, ils font tomber le truc, donc ils recommencent et tu revois exactement la même chose. Bon, bref. À chaque fois, ils tombent à 4 parce que c'est le moment où ils s'arrivent. Ce qui arrive, c'est que c'est Mélanie qui gagne pour sa première victoire en épreuve d'immunité. Donc, félicitations à elle quand même. Félicitations, Mélanie. Mais bon, c'était pas ça la bonne partie de l'épisode. C'est ce qui arrive après. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux quand même vous demander votre avis sur cette épreuve. Mais je sais quand même déjà ce que vous allez dire, Louis. Bon, on s'est fait chier. À partir du moment où, en fait, c'est-à-dire que c'était pas la meilleure épreuve, quoi. Bah non, en fait, bon, déjà, sans compter le fait que il y a quand même un gros problème de rythme dans le fait que regarder un parcours du combattant, ça soit super quand même dynamique et des gens qui empilent des boules, bon, c'est un peu chiant. Et en plus, très vite, ça a totalement perdu de l'enjeu parce que nous qui sommes spectateurs du truc et qui savons qui veut éliminer qui, en fait, personne de Romain ni de Mélanie n'était en balance, en fait, ne risquait. Donc on disait, bon, cette immunité ne va véritablement servir à rien. Donc c'était chiant et on devait attendre. Et vraiment, c'était même le parcours du combattant, il est pas super intéressant. Ouais, il est vraiment mal monté en plus. Déjà c'est quatre, c'est que quatre personnes et en plus il y a que la tête de peloton qui compte. Il y a que le premier qui est. Donc en fait tu suis deux gars à chaque fois. Et après merde, il a tracé tout le monde. Bon bah tant pis, il y a plus rien d'intéressant. Alors que là où il y a genre s'il y a trois mecs qui se je sais pas comment on dit. Qui sont sélectionnés, tu vois. Tu peux, bah, si le premier il est loin devant, tu peux montrer le combat entre le deuxième et le troisième, le troisième et le quatrième, tu vois. Là, il y a rien, quoi. Donc c'était. Les deux plans de finale, il y a eu une seule personne qui montait la corde et enfin l'espèce de toile d'araignée en corde qui sautait de l'autre côté de filet, ouais. Et c'est tout. Donc on n'avait même pas un espèce de truc, tu sais, comme au 100 mètres où les gars ils se frôlent à un cinquième et sait pas qui va gagner, quoi. Là, c'était, on a regardé Mélanie grimper toute seule et sauter. Et mettre 5 secondes avant de toucher le truc pour faire la meuf qui a gagné. Bref, c'était insupportable. Chiant. Bon. Pendant que la Golgoth se remettait de sa commotion cérébrale. C'est avec grosse chute de Sandrine. Ouais. Qui s'est mangé un mur. Oh là là, hardcore. Ça a dû faire mal. J'ai étonné qu'elle se soit rien fait, moi. Ouais, clairement. Ouais. Bon, on l'apprendra dans 5 épisodes quand il faudra tenir en équipe sur un truc et qu'elle va dire Denis, mon genou il tient pas droit. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher, s'il vous plaît? Donc on se retrouve entre l'épreuve d'immunité et qu'on va appeler l'avant-conseil, le pré-conseil. Ouais. Je ne sais pas quel autre nom on pourrait lui donner. Le moment où ils disent ah merde, c'est vrai, il y a quelqu'un qui se fait éliminer, putain. Comment qu'on fait déjà? Oh, cette fois-ci. Je trouve que quand même, il y a eu beaucoup plus d'intérêt que d'habitude. Ah bah oui. Et gros suspense quand même. Gros suspense, grosse tension, puisque, on vous rappelle, à ce moment-là, il y a un doute chez les jaunes, enfin sur les ex-jaunes, les jeunes. Putain, ça c'est aussi ça a été compliqué en termes de nomenclature. Ouais, c'était... Heureusement que c'est pas l'inverse, parce que ça aurait été encore plus compliqué. Donc on a chez les jeunes un doute sur est-ce que les rouges vont fracasser Tiffany ou Magali. Même si on se doute que Tiffany est un peu plus en sécurité puisqu'on a vu les femmes en parler. Mais eux ne le savent pas. Et c'est ça toute la tension de ce moment de l'émission. Est-ce que déjà, truc intéressant, c'est que putain, les jeunes disent « Eh, mais c'est vrai qu'on peut échanger nos colliers. » Les colliers sont c'est cible. Non, c'est pas ça. C'est cible. Donc vraiment, tiens, je me suis dit « Merde !» Et ils ont commencé à réfléchir, les cons. Et ouais. Et ils se sont dit, putain, mais alors peut-être que si en fait ils voulaient éliminer toi, Magali, ça serait bien si t'avais mon collier. Mais en même temps, si ils t'éliminent pas toi et que ils m'éliminent moi et que je mets pas mon collier, ça serait bête parce que je préférais quand même que ça soit moi qui reste. Et surtout, en vrai, André essaye de sonder et là, Mélanie, ou je sais plus qui, je crois que c'est Mélanie, fait un bon coup qui est de dire, on sait pas et on va un peu voter un peu pour les deux. Bah oui. Et sauf que voter pour les deux, c'est la merde, parce que ça veut dire qu'il faut utiliser le collier, mais c'est celui qui utilise le collier qui sauve, et puis c'est l'autre qui vire, quoi. Bah oui, totalement. Donc là, c'était chaud. Ça faisait quand même beaucoup de raisons pour Tiffany de garder son collier. Mais, alors, pendant ce temps-là, oui, eux, ils essayent quand même de monter un coup. Ils se disent, bon, il faut quand même qu'on target quelqu'un, parce que, enfin, qu'on cible quelqu'un, et en l'occurrence, là, ça sera Fabian, parce qu'il nous a un peu, il commence un peu à nous gonfler. Ça, pour plein de très bonnes raisons. Il est relou, etc. sur le camp, si je me souviens bien. Hein. Oui, c'est ça. On est bien sur ces raisons-là. Et bon, les rouges, bah, j'ai l'impression que les rouges, ils sont assez sur deux quand même. Hein. Ah bah, là, c'est sur ce sûr, coup-là, c'est ils bon. Se disent, bah, on l'aime bien, Tiffany, donc nous, on va plutôt voter Magali. Et puis que, c'est voilà, bon. Puis on restera plein. Entre gens de bonne couleur pendant la fin de la saison, quoi. Tu veux dire des rouges? Oui, voilà, non, des rouges. Oui, voilà, c'est ça, t'as raison. Oups, On a failli. Oui, on voilà, a raté le, ouais, le problème, quoi. Non, c'est vrai qu'eux, ils s'en font pas à ce moment-là. Ah bah, ils ont pas de écrit, raison, quoi. En même temps. En plus, il y a Romain qui a deux votes. Donc ça, vraiment, à ce moment-là, c'est tranquille. Non. Ils peuvent même, justement, se permettre de voter Tiffany si vraiment ils adorent Magali, quoi. Oui, vraiment, ils ont aucun souci à ce moment-là. Est-ce qu'on passe directement au conseil? Bon, ouais, parce qu'il se passe rien à part tout le monde se donc pose à ce moment-là, question on sait toujours pas si Tiffany a donné son collier ou pas. Bah, non. On sait même la dernière chose qu'ils nous disent, c'est Tiffany franchement, là, je préfère le garder en vrai. Oui, clairement. Sauf que le conseil arrive, tout le monde s'assoit. Bonsoir à tous, sous. Denis se présente. Ah attends, tout le monde connaît Denis. Et à son habitude, et je trouve que là, c'était particulièrement. Il tirait vraiment sur des cordes ouais. Pour essayer de donner des indices un peu par-ci par-là en disant vous êtes bien con. Tu sais, puis il leur mettait des trucs sous le nez en disant alors les rouges, tout va bien gna, gna, gna. Elle est gentille, elle Tiffany, est gentille, hein. Tiffany. Ah bah oui, vraiment, ça nous a fait trop plaisir de la découvrir. Voilà. Oh là là. Heureusement pour elle qu'elle a eu un petit jus d'orange. Oh, des cons. Oh là là, c'était trop bien ça. Donc vraiment, ils commencent à teaser des trucs comme ça. Et à ce moment-là, il y a les rouges qui disent, bah justement, ce que tu viens de dire, c'est Tiffany, on l'a découvert et elle est vraiment super sympa. Et là, on se dit, merde. Merde. Ouais. Si Tiffany, elle garde son collier, là, c'est sûr, Tiffany se rend compte qu'il... Enfin, les jeunes se rendent compte qu'ils vont voter Magali, quoi. Bah ouais. Et même et d'ailleurs à ce moment-là, genre Magali tire une tête mais d'enterrement quoi. À chaque fois qu'ils font un compliment à Tiffany, zoom sur la tête de Magali. Ouais, dis, clairement. Putain, une de plus pour moi, une de plus pour moi, une de plus pour moi, ça craint. Et Tiffany, bah ouais, elle est très sérieuse mais un petit peu flattée quand même. Et vous me corrigez si je me trompe, mais on en reste là et Denis demande les votes. C'est parti. Ouais ouais. On passe au vote. Tatati tatata, hop, machin va voter. Alors déjà, moi, au plein milieu, t'as Maxime qui vote pour André. Je me souviens plus pour quelle raison, mais je vois. Et parce qu'il avait promis à tous les autres qu'il pouvait. C'est ça le problème. Mais je me suis dit, mec, il t'a rien compris, toi. Mais non, mais il est obligé. En fait, il va se retrouver à voter Maxime, si peu importe, faire des promesses à tout le monde. C'est incroyable. Il s'est peut-être promis qu'il voterait pas pour lui-même. Fais attention. Ah merde, il l'a promis à sa femme. Il l'a promis à sa femme. Ah. On va le voir pleurer encore. Bon, est-ce qu'il est sûr? Donc voilà, donc lui il a voté pour André. Les trois jaunes ont voté pour Fabien. Voilà, et tous les autres ont voté pour Magali, il se trouve. Sauf que, à ce moment-là, il y a Denis qui dit à son habitude, je m'en vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Et après, quand il revient, est-ce que quelqu'un a en sa possession un élément pouvant influencer l'issue du vote? Moment de calme. Et là, what the fuck, Magali sort un collier d'immunité. Incroyable. Et là, là on est vraiment à donf quoi. Tu là, lis le seum sur le visage deux bras en l'air. De tous les rouges. Surtout tu dis la satisfaction sur le visage mais oui, de Magali. Des trois jeunes. De Magali, des trois jeunes. C'est pas mal. André, mais même André. Il y a quand même toujours un petit stress qui est... Combien de voix il y a pour Tiffany? Et est-ce que c'est pas Tiffany qui, si elle en a qui quatre, saute, quoi. Ouais. Elle sauterait, tu vois. Oui, oui clairement. Et mais... le dépouillement commence. Ouais, mais tu sens que ça sent bon, quoi. Enfin, ouais, elle ça voit sent... que ça s'en va sentir bon, quand même. Après ce qui vient de s'être dit. De cette... Nous aussi, d'ailleurs. Et là, dépouillement. Et je crois que c'est, bah, Magali. Magali. Bon, André. Ouais. Magali, Magali, Magali. Boum. Tous d'un coup. Ouais. Et ensuite, donc là, évidemment, tu sens la jubilation, la satisfaction sur leur visage. Elles bien. Peuvent pas s'en elles empêcher. Elles sont mortes de rire. Elles sont mortes c'est de rire. Elles peuvent pas s'en empêcher. André, c'est le seul qui arrive à peu près à se retenir. Ouais. Bah, il sourit tout le temps, donc ça change pas, quoi. Ouais, et puis il s'est pris un vote dans la gueule, quand même. Mais c'est vrai. Oui, à ce moment-là, il devait flipper. Il s'est dit, merde, ça se trouve, ils vont voter pour moi, c'est con. Ouais, ouais. Et là, eh ben, il a suffi de trois votes. Fabien. De Fabien pour éliminer Fabien. Alors là, vraiment, c'était incroyable. C'était quoi. Vraiment un super move. Hein. Ouais. Et je me suis dit, ouais, trop est-ce beau. Que, est-ce que j'aurais préféré qu'on me montre ou pas que Tiffany ait donné son collier à Magali. Moi, je me suis pas posé la question, vu que j'ai regardé Instagram comme un gros con samedi. Et que, comment c'était, il y avait Marvin, André et Magali qui étaient en soirée. Et ils étaient en mode, et là, donc j'ouvre le truc, et là, il y a Magali qui est en mode, hey, je suis avec André. Ah oui, Tiffany, c'est vraiment ma super copine de m'avoir filé mon collier et que j'ai pas éliminé, quoi. Et j'étais en mode, bon, bah, super. Ouais. Ouais. Non, c'était trop bien parce que André était complètement défoncé. Mais vraiment, il avait des petits yeux, mon gars, mais des yeux. Allez, je sais pas ce qui, franchement, je pense qu'avec, avec le Marvin, il se fume des gros terres, mon gars. Ouais, c'est sûr, j'avoue. Obligé, ouais. Direct dans la chicha. Marvin, je le vois trop en chicha, tu sais. Bon, alors, Louis, arc-en-ciel. Est-ce que t'aurais préféré qu'on te le montre ou non. pas? Non. Moi, en fait, mais moi, c'est un truc que je pourrais reprocher à Koh-Lanta et peut-être un peu à la télé française en général, qui est pas très habituée à faire ça, par rapport à des productions un peu plus asiatiques. C'est de cacher par des choses aux téléspectateurs? Non, c'est de, voilà, c'est de, ils nous cachent pas assez de choses et surtout, ils nous font aucun flashback pour nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, oui, ça, et moi, clairement. Je préférais qu'on nous cache beaucoup plus de choses et qu'après, on nous fasse des flashbacks pour tout nous révéler, tu vois. Et là, j'aurais trouvé ça bien que au moment où tous les votes Magali tombent, ouais, en transparence, je suis d'accord. On est la séquence où Tiffany fait « Ouais, écoute, là, je le sens, Magali, faut qu'on tente un truc, je te le donne. » Et là, tu vois, on aurait vraiment eu l'impression, c'est une espèce d'épiphanie monumentale de... Enfin, tu vois, parce qu'ils ont forcément fait ça de manière maligne et j'aurais adoré voir ce moment-là et qu'on le mette en avant. À part ça, bah évidemment, voilà, j'avais les deux bras en l'air et je criais sans m'arrêter, quoi. C'était quand même assez jouissif. Hein. Ouais, c'était en fait, je pense que c'était encore plus jouissif. Bon, moi, je suis quand même triste de voir un peu Fabien partir parce qu'il fait pas mal de jeux quand même jusqu'à maintenant. Enfin, il a animé beaucoup le jeu. Hein. Faut pas oublier magnifiques moves qu'il a fait et les bluffs qu'il a fait au rouge. C'est vrai. Mais c'était tellement bien de voir Magali et Tiffany sourire et être heureuses de leur coup. Oh, c'était trop bien. Quoi. Vraiment, c'était génial. Moi, je suis pas triste de voir Fabien partir parce que je trouve que autant les stratégies, effectivement, il menait le jeu, etc. Mais enfin, tu vois, il a quand même fait l'erreur monumentale de même pas être sympa, tu vois. Et tu vois, c'est pas possible, quoi. Enfin, si t'es détestable, forcément, tu vas te faire virer, quoi. Ouais, moi, je suis un peu plus mitigé par rapport à ça. Enfin, je suis content du move. Le move était cool, mais je pense qu'à long terme, ils le paieront, en fait. Parce que là, ils ont vu ce round-là. En fait, ils se sont sauvés sur ce round-là, mais ils n'ont pas vu plus loin. Et là, je suis désolé, mais en face, il reste toujours donc Romain, Mélanie, Sandrine, Marguerite. Donc, ils sont quatre. Et du coup, ils sont encore dépendants de Maxime. Sauf que Fabien, il a filé son vote noir à Maxime. À Maxime. Ouais. Donc, c'est très bien, la girouette a le vote noir. Je me suis dit, ça c'est bien pour bien, ça. C'est bien pour ça parce que Maxime il est capable de balancer deux votes. En fait, si Romain il a pas l'immunité, deux votes différents. Ah ouais, oui, il est capable de balancer deux votes dans la gueule d'un rouge sans souci, Maxime. Oui, c'est ça, ouais, totalement. C'est ouais. Juste que en gros, André, il arrive à passer une nuit avec Maxime et lui faire promettre de pas voter pour lui. Ah oui, c'est ça. Et c'est bon. tu le fais un peu boire, tu lui fais signer un pacte avec ton sang. Hop là, c'est bon, c'est tranquille. Mais voilà. Le 60e pacte. Moi, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que je pense qu'ils avaient peut-être que Fabien, il y aurait peut-être fallu aller le voir et dire mec tu nous saoules là, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, nanana. Et ça se trouve leur prendre avec eux, et en tout cas ils en avaient peut-être besoin, tu vois, et j'espère qu'en tout cas ils le payeront pas plus tard, parce que moi c'est ces trois là que je vais voir en finale et pas ouais Romain, voilà, franchement il est pas méchant mais ouais. Il sert à rien, quoi, tu vois, est-ce que vous pas, auriez préféré que ça soit le même coup mais contre Romain? Moi je m'en fous, en fait, au final. Moi j'aurais préféré que ce soit Romain qui dégage, oui. Moi, peu importe. Voilà, c'était juste un quiz, hein. Pas de. En fait, pas ce de que je vous ai déjà dit, c'est je préfère voir des nuls dans les épreuves qui se cassent la gueule plutôt qu'un mec qui bat tout le monde et qui est même pas intéressant sur le dehors des épreuves. Il est vraiment inintéressant. C'est-à-dire que là, pour la première fois, il a été. En fait, on oublie presque qu'il a des enfants, alors que pourtant, c'est la seule chose qui le définit, tu vois. C'est. Il a été pompier. Ok, super. Il fait du voilà, sport. Ouais, mais vite fait. Enfin, tu vois, il est pas non plus. Enfin, je suis désolé, mais. Bah, il est coach sportif. Ouais, d'accord, mais il se prenait la branlée par Sébastien qui a 45 ans, tu vois. Enfin, on peut lui enlever beaucoup de choses à Sébastien, mais c'était, voilà, c'était un monstre, quoi. Et pourtant, c'est pas son métier, le mec, il conduit des camions, quoi. Mais bon. Je sais pas. En tout cas, enfin, je m'en fous. Et j'aurais bien aimé. Ouais, en fait, j'ai juste peur qu'il le paye. Par contre, ce qui est cool, c'est que bah, rien n'est joué pour le prochain vote et que Maxime est en situation de girouette et ça défonce, quoi. Ouais, c'est risqué, hein. Mais c'est bien, ça donne de l'intérêt. Imagine, trouve. Mec. Là, il y a vraiment un gros il intérêt. Il est en train de se plaindre. Oh, c'est un cadeau empoisonné qui m'a fait Fabien. Putain, mais moi, il sait bien en plus que je déteste. Je n'aime pas cette situation-là. Et ça reprend tous les trois jours. Prends plus de plaisir, Denis. Hey, mais je vous rappelle, il y a un moment, ils ont quand même eu cette réflexion, il me semble, hein, dans cet épisode, de Maxime et Fabien. Et c'est bien, parce que ça, à chaque fois, ça confirme ce que je dis dans l'épisode d'avant. C'était, bah, moi, là, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape dans l'aventure. Après chaque conseil, voilà, il faut refaire tout à zéro. Les alliances ont l'air de redéfinies, etc. Je trouve qu'on dit beaucoup de choses vraies dans les épisodes, donc je vais gagner beaucoup d'argent la semaine prochaine. On verra si ça marche. La suite au prochain épisode. Je fais le pari. Je vais gratter un banco plus à 2 euros. Et j'espère en gagner au moins le double. Ouh! Et on verra la semaine. Qui a de l'ambition. Louis, Franck n'est pas là. Louis, tu confirmes ce défi, hein. Il faut que tu sois présent. Tuk dual. Il faut que tu sois présent à ce moment-là et la semaine prochaine. Au moment de la délibération et du grattage. On va faire un Snapchat pour Colanta pour le mettre dessus presque, tu sais. Et si on gagne plus de 4 euros, on utilise cet argent pour payer une pub Facebook pour avoir encore plus d'auditeurs. On le mettra sur Twitter. Filmé, on le mettra sur Twitter. Ça marche, on fera ça. D'accord, c'est parti. Alors, on en arrive à la fin de cet épisode. Et, bah, comme à mon habitude, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous en avez pensé quand même, Louis? Ah, j'allais dire vas-y Lulu, mais d'accord. Eh ben, moi franchement, j'ai trouvé que c'était un bon épisode de Koh-Lanta. Il n'y avait pas trop de longueur, à part la première épreuve. Mais comme je vous ai expliqué, j'étais en train de me rafraîchir, donc je ne l'ai pas subise. Et te rafraîchir et t'alléger aussi. Voilà, si j'ai les bien deux. Compris. M'élever, ouais. Je fais mes ablutions. Et non, et du coup, ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était un épisode marrant. En vrai, ça a été super que cet épisode entier ne serve que de build-up à cette énorme révélation drop, coup de pute, backstab, libération magnifique des jaunes, qui était vraiment, ouais, jouissive au possible. Franchement, j'étais content de voir Fabien, qui me saoulait un peu pendant l'épisode, se faire têche. Pas parce que je le détestais, mais parce que voilà, j'ai trouvé ça cool que un mec qui s'y attendait pas se fasse têche. Effectivement, ça aurait peut-être été mieux si c'était Maxime, mais bon, Romain, mais bon. Voilà, c'était le coup des lettres, c'était tellement un déchirement dans le cœur que c'était quand même génial à regarder. Et du coup, franchement, on s'est moins fait chier que certaines autres fois. Moi, j'étais content. Franchement, j'ai trouvé que j'ai pas perdu une seule seconde de ce temps que j'ai regardé en live, donc pas en accéléré, donc ça m'a quand même pris 3 heures. Voilà. Lucas? Moi, ça m'a pris que 2 heures parce que j'avais pas les pubs, donc c'était nickel. Moi, alors voilà, c'est vrai que ça a été, mon avis, il est un peu biaisé parce que je savais déjà que Magali avait sorti un collier qui lui avait été passé par Tiffany. Par contre, je savais pas qui était éliminé, en fait. Moi, c'était ça le truc, j'avais pas vu qui était éliminé. Et du coup, bah, la grosse question en matin d'épisode, c'était qui va être éliminé. Et je dirais que j'ai été un peu déçu par le fait qu'ils choisissent Fabien, parce que bah, après, je me suis mis en mode calcul de ouf et tout, donc j'ai commencé à réfléchir un peu. Est-ce que c'est vraiment bien pour eux? Je sais pas vraiment comment ils vont pouvoir régler ça. Après, je suis aussi un peu déçu, enfin pas déçu, mais j'espère que toute cette saison où il y a eu quand même plus de stratégie, ça va servir un peu de leçon aux autres et que en fait, il y a aucun intérêt à balancer 6 votes ou 7 votes sur la même personne quand t'as 3 mecs en face, toi. Donc j'espère qu'à un moment, ils vont quand même comprendre que c'est peut-être pas mal de prévoir le fait qu'il y ait potentiellement des colliers et splitter tes votes. Enfin, j'espère qu'il y a un mec un jour qui va venir et qui va faire ça, qui sera bon en stratégie, qui va réfléchir à ça, tu vois. Et en fait, moi, je me dis, je kifferais trop être sur la plage, là, en train de me baigner et de me prendre la tête comme un ouf en disant, ouais, mais eux, ils sont 3, ils sont 4. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc faites-le, putain, ça serait trop bien à voir et ça serait des conseils vachement plus intéressants. Voilà pour moi. Bah, je suis d'accord avec vous. Maintenant, et la prochaine fois, tu donnes ton avis en premier, parce qu'on dit tellement des choses intelligentes qu'après, t'es toujours d'accord avec nous. C'est pas un peu facile, ça, Franck? Oui, hein, mais ce qui est important, c'est... Maintenant, j'ai une question très importante à vous poser. Est-ce que vous êtes bon en improvisation? Oh là là. Je pense que vous êtes plutôt talentueux. Il va encore falloir faire accent de Benoît, c'est ça? Non. Parce que, figurez-vous... qu'un des auditeurs nous a fait une requête. Oh là là. Mais nous l'a fait sur l'épisode, pour l'épisode 9. Comme on a oublié, eh bien, on va le faire aujourd'hui. Et c'est Esprit des Fêtes qui nous a demandé de d'imaginer le dialogue entre le mec éliminé et le mec qui était sur l'île. C'est pas exactement ça, en vrai. Ce qu'il voulait, c'était qu'on fasse le dialogue entre Marvin et Sébastien. Ben voilà, ben prédisez le dialogue. D'ailleurs, c'est un podcast politique, Esprit des Fêtes. J'ai écouté vite fait. J'écouterai ça plus en profondeur, NC4. Alors, bon, au passage, il avait fait une bonne blague en demandant Est-ce qu'il va lui demander si le Y dans son nom c'était voulu ou une faute de frappe? Mais du coup, ce que j'ai envie de faire quand même pour lui ou leur rendre honneur d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un ou une équipe. Mais en tout cas, pour leur répondre, on va faire l'arrivée de Fabian en compagnie de Sébastien et de Marvin. Alors, il faut que j'attribue des rôles. Qui veut faire... Bon, là, je suppose que je vais me taper Sébastien, parce qu'il faut faire un accent du Nord. Attends, je t'y mis. Louis, tu veux faire Marvin ou Fabien? Bon, Louis, tu fais Marvin. Et Lucas, tu fais Fabian. Attends, faut quand même se souvenir des skills d'imitation de Louis. Moi, je préfère qu'on le laisse choisir, quand même. Dans tous les cas, ça va être une catastrophe. Donc, ouais, fais Marvin. Moi, je pense que j'ai un... Attends, on va faire... Moi, on va si faire... je parle un peu en plus aigu et un peu plus vite, je peux faire Marvin, je pense. On fait une audition, vite fait. Je vais faire... Oh, c'est monstre bon. Et Marvin, alors attends, ça arrive. Oh mec, non, mais attends. Je viens d'arriver sur le camp là, donc ouais, je sais pas trop. Mais enfin, bon, tout le monde a l'air un peu sympa, mais ouais, je sais pas trop. C'est une catastrophe. Je sais pas si ça s'énerve un peu. Non, mais attends, mais vas-y, ferme ta gueule. Ah ouais, vas-y. C'est trop gênant. Ouais, je t'aime pas, maman. Non, je rigole. Je raccroche. Allez, on y va. Bon, c'est Fabian. Bon, c'est Fabian qui a traduit les choses, parce que c'est Fabian qui arrive. Ah non, mais bah ça, non, c'est non, genre, non. C'est sur l'île, ah bah non. L'île des mecs qui se sont fait éliminer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah non, il y a d'abord. Vous discutez. Oui, voilà, il y a d'abord déjà, Sébastien et Marvin qui doivent dire quelque chose. Oui, ça a été une catastrophe. Allez, c'est pas grave, on introduit comme ça. Vas-y, je commence. Allez, c'est parti. Attention, action. Marvin, là, tu crois que qui c'est qui va être éliminé, là? Hein? C'est moi, j'ai une des hâtes de la retourner de ma gros camion, là. Ouais, bah, attends, putain, je l'ai perdu. J'allais enquiller sur l'accent du Nord, là. Bah je sais pas trop parce que quand même les rouges ils sont vraiment c'est vraiment des gros. Ah putain, j'ai l'accent du sud maintenant, c'est horrible. Attends, faut que je me concentre. Oui, il reste dans le rôle. Les rouges ils sont vraiment pas gentils, ils nous éliminent à chaque fois alors qu'on a rien fait, vraiment c'est des gros bâtards, et je vais le dire à mère quand je vais rentrer. Eh mais je suis sûr c'est Sébastien qui va arriver là. Et il va arriver comme ça. Il va dire "Eh, je peux pas c'est Sébastien." Moi. Ah mais oh ben, j'ai hâte de le dire, Fabian, Guillo. Oh ben, salut, Fabian. Vous allez l'air monstre surpris, les gars, là. Hein. Vache, c'est impressionnant. Ouais, hein. Adieu, je m'attendais que ce soit Maxime, là, avec les coups de pute qu'il a fait, là. Ouais. Bah non, c'est Maxime, il a réussi à s'en sortir, hein. Tu sais, il est monstre fort en stratégie. Même moi, je suis le parrain, je ne suis rien à côté de lui. Oh ben, vas-y, mais dis-moi ce qui est arrivé, là, parce que, hein. Ah oh bah je ne sais pas trop, en fait c'était très monstre surprenant hein, ce qui s'est passé à ce conseil. Putain, j'aurais envie d'y mettre un Mawashigai das gif le Maxime. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que on a tous décidé de voter contre Magali parce que elle commençait, voilà, en fait tout le monde était bien ami, devenait monstre copain avec Tiffany. Ah ouais, je l'ai mot pas celle-là. Marvin qui explose. Elle avait vraiment un truc qui me revenait pas, je sais pas quoi, mais. Et donc du coup voilà, on s'est décidé nous à voter contre Magali et on arrive au conseil, voilà, tout va bien. Même Maxime s'était rallié à nous, la girouette là, il a réussi à régler son compte. T'as Maxime là? Bah oui, il a tenu sa parole, Maxime. Il a été monstre fort, là, hein. Je te dis pas, j'étais impressionné, hein. Et donc, voilà, il arrive, Denis demande, est-ce que quelqu'un, a un truc qui peut faire changer les yeux du conseil. Et là, mon gars, qu'est-ce qui se passe pas? Magali qui dit oui et qui met le collier autour de son cou. Quoi? Alors, je te dis pas, là, la quoi mou... Et tout le monde est monstre surpris, parce que, en fait, personne ne sait mais que... C'est pas possible, ça. Et donc du coup Denis fait des votes et il y a 5 votes contre Magali qui ne sont nuls, 1 vote contre André. Alors ça je sais pas qui a voté contre André, mais je crois que c'est Maxime qui m'avait dit qu'il voter contre. Ouais, c'est Carly, ça c'est sûr ça. Et 3 votes contre moi, les jeunes ont décidé de voter contre moi. Et je pars la tête haute, j'ai fait un grand Koh-Lanta. Et je sais que mes enfants seront monstres fiers de moi. Eh mais t'inquiète pas, hein. Eh Fabien, t'as encore 15 jours rien de branler sur l'île avec nous, là. Tiens, Marvin, va y chercher une bonne côte, là, de bœuf, 250 grammes. Oui. Mais c'est quoi ça, moi? Oui, j'y vais, oui, pardon, maître. Allez, l'ex jaune. Bravo. Ouais, c'est ça, l'esclave jaune. Oh putain, ça va que vous êtes fort, comme ça, j'ai rien pu faire. Moi, je trouve que Louis, tu es monstre bon en imitation. Hein, Mais il a vraiment dit ça, monstre bon? Oui, ils disent tous salé. Enfin, alors, je ne savais pas du tout, mais tous les Suisses disent monstre quelque chose. Ah ouais. Même Mélanie l'a dit, ouais, ouais. Ils sont illettrés, mon gars. Ouais, mais c'est d'un côté, c'est on sait que t'es un peu moins bien que le nord de... Tu vois, parce que dans le nord de la France, ils ont un accent, mais ils disent très bien. Ils disent pas gavé bien, ou tarpin bien, ou monstre bien, ou toutes ces conneries-là. Calice de bien, mon gars. Ah, c'était vraiment hostie de bien. Bon, voilà, on espère que ça vous aura plu, hein, cette petite impro. Total impro, là, pour le coup. Bon, Louis, si tu me fais un petit Benoît. J'adore manger du poulet, donc je suis très content. Je suis dans la nouvelle pub qu'il y a, que vous avez pu voir, voilà, à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu et ça me paye mon poulet que je mange tous les matins, midi et soir avec du lait et de la sauce tomate. Tu peux nous faire sa punchline de la pub ? Elle est jolie, cette voiture rouge. Eh non, elle est jaune ! Elle est jaune ! Moi, je suis avec Jérémy dans la forêt. Bon alors, vous aurez compris, on a remplacé le petit fil de l'actualité d'Internet par ça, parce que cette semaine... Je viens de comprendre que tu n'applaudissais pas, Louis. Ouais, maintenant, évidemment qu'il n'a pas applaudi. Pourquoi tu crois que j'enchaîne ? Je faisais Damien. On va s'arrêter là pour cet épisode, parce que c'est en train de partir en sucette. Oh non ! Et voilà, je viens de péter un verre. Le verre de vodka. Le verre de trop. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Coupé. @krolantapodcast.fr. J'en peux plus. Et n'oubliez pas de nous écouter sur PodCloud et sur SoundCloud. Et on se dit à la semaine prochaine, parce que là, vraiment, plus rien ne va. J'adore le poulet. Bah oui, c'est monstre fou, cette émission. Ah bah c'est sûr, hein. Allez, à la semaine prochaine. Oh, j'en peux plus. Oh, a permis un bel épisode. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, c'est juste qu'on t'écoute pas, quoi. Terrible. Non, mais je sais pas, mais quelle idée. Non, vas-y, excuse-moi, ouais. Non, t'inquiète. Il y a quand même un truc où, ouais. Vas-y.